Top chrono, athlétisme. Ça y est, c'est l'heure de Bibi Bougon. Nous allons parler athlétisme juste avant de parler football. C'est bien Gambardella, hein. Super, hein, je veux dire, Henri. Oui, la Gambardella, oui, c'est la Coupe de France des U19. Allez, on va venir avec Didier Bougon. Je crois qu'il a en ligne une personne très importante. Didier, pour cette page athlétisme. Oui, surtout pour le sport olympique numéro 1. J'aimerais bien que... On va se remuer, donc j'ai Maria Cheguelli qui revient là donc du championnat de France de marathon de Paris à Sénart. C'est bien ça, Maria? Oui, tout à fait, bon. Didier, bonsoir. Bah, je te félicite. Je suis d'ailleurs sur la route, tu vois, Didier. Oui, je te félicite puisque tu as fait honneur aux couleurs du Vaucluse, puisque tu bats ton record de 4 minutes avec des conditions très épouvantables. Oui, tout à fait. Bon, malgré une chute. Comment? Malgré une bonne chute au 24e. Voilà, c'est ça, une bonne chute. Et c'est vrai que ça m'a un peu sonné, puisque Maria. Voilà, il a. Oui. Oui, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment s'est déroulé ce championnat de France de marathon. Alors, nous sommes arrivés le dimanche dans la journée. Donc pluie battante, donc c'est vrai que c'était pas très. nous n'étions pas très fiers, parce qu'on s'est dit si demain, si le 1er mai, on court un marathon championnat de France avec cette pluie battante, là c'est pas la peine. Finalement, au matin, donc c'était très gris, le ciel assez pesant, il faisait très très froid, puisqu'on avait un ressenti de 3 degrés, donc avec un vent de 25 km/h. Donc je me suis dit, bon, ça va le faire, 25 km/h, chez nous on est habitué à plus fort. premier semi roulant, vent 25 km/h, donc c'était pas trop gênant. Et c'est vrai que le deuxième semi, là, a été très dur, puisque le vent s'est levé, 45 km/h, donc tout de face. Et puis des faux plats montants, c'était l'horreur. Voilà, ces deuxième partie était horrible. Bon, après, c'est vrai qu'avec la chute, c'est vrai que ça n'a pas arrangé les choses. Hein. J'ai vu que j'étais quand même sur une allure de 3,14. J'aurais fini en 3,14 de marathon, puisque j'étais devant le ballon, à 200 mètres devant le ballon 3,15. Et j'étais bien. Et c'est comme ça, hein, c'est un championnat. Donc, je ferai mieux la prochaine fois. J'ai tenu au moral. Ton ancien record, c'était 3h22. Là, c'était un marathon. Ils ont mis ça pour le 1er mai à Sénart. Pour moi, la date était très mauvaise. Pourquoi ? Parce qu'on sait toujours qu'on est à l'entour du 1er mai. Le temps n'est pas toujours favorable pour les athlètes. Sénart, en plus, c'est à côté de Fontainebleau. C'était pas la porte d'à côté. Fallait monter là-haut. Il y a 10 jours de ça, tu avais des conditions vraiment superbes. Et également, ils ont fait un championnat de France de 10 km sur piste il n'y a pas très longtemps, hein, c'était en Bretagne, c'était ce week-end. Ils avaient quatre filles, j'en connais une jeune espoir qui fait un super chrono puisqu'elle fait 36 et quelques. Mais la date était épouvantable, mais pas un championnat de France de 10 bornes. Et même je pense qu'il aurait fallu attendre peut-être soit fin mai ou vous le mettre en septembre. Voilà, alors les conditions ont été meilleures. Alors, tu vois, les conditions, ta chute et tout, t'exploses ton chrono, tu fais 14e au scratch. C'est ça, oui. 14e au scratch. Bon, je suis très heureuse quand même, hein, ma perf. Hein. Et puis pour le championnat de France, je me dis, j'ai marqué le coup pour le championnat de France. Et puis c'est vrai que le prochain marathon, ça sera un marathon vraiment où il y a du monde. Là, on était dans la pampe rousse, là. Eh oui, c'est perdu, c'est à côté de Fontainebleau. C'est vrai que j'aimerais bien faire Berlin. Là. Voilà. Berlin, ça serait. Berlin, c'est l'idéal, c'est fin septembre ou début septembre. Il me semble que c'est fin septembre. Ça te laisse le temps de préparer. Un peu de repos, là, et puis voilà, je vise maintenant un marathon pour vraiment marquer mon chrono et puis donner ce que j'ai dans les jambes. Quoi. Donc, mais je suis quand même satisfaite. Hein. Je suis, une entorse au doigt, mais je suis satisfaite. Ouais, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Florent Lacasse m'a contacté par le biais d'un réseau. Et je savais que tu courais aujourd'hui, mais je ne savais pas à quel moment je pouvais te joindre. J'ai tenté le coup, ça a marché, tu vois, et je suis bien heureux pour toi, puisque tu le mérites. Florent, tu as vraiment bien préparé aussi au niveau de la préparation physique. Il y a Fred Eugénie. Fred Eugénie, hein. Et puis demain, petite séance de... Les deux personnes qui m'ont... Et puis, c'est vrai aussi, Laurent Foulquier, là, pour la cryo. La cryo, j'allais en parler demain, c'est la récup. Voilà, aucune blessure. Tous mes entraînements, je finissais par une cryothérapie le dimanche. Donc, chaque fois, mes entraînements de bloc. Et c'est la première année où je n'étais pas blessée. Chaque fois, donc c'est mon quatrième marathon. Tous les autres marathons, en fait, à 3 semaines du marathon, j'étais blessée. Pour nos auditeurs, quel âge as-tu? J'ai 46 ans et toutes mes dents. Voilà, Maria. Oh, c'est merveilleux, rien qu'à écouter du 3-14 déjà, ça fait rêver. Et quand on sait que monsieur, c'est lui qui mène la carotte à l'entraînement, oui. Hein, le soir. Et je remercie mon époux, mon trésor, mon amour, parce qu'il a été là, et quand je suis tombée, il est vite venu, parce qu'il a entendu un gros choc. Et il est vite arrivé, et heureusement qu'il était là, parce que j'étais un peu sonnée, et puis j'ai eu du mal à me relever. Et voilà, il a été là, il m'a encouragée, et j'ai buté en fait sur un dos d'âne. Voilà, il y en avait beaucoup. D'ailleurs, au 14e, un monsieur, le pauvre, derrière moi est tombé, donc lui il s'est bien ramassé, parce qu'il saignait la tête, le genou, le bras... un gros hématome à la cuisse, il y a eu beaucoup de chutes. Ah, il y a eu beaucoup de chutes, c'est malheureux, hein, mais pour un championnat de France. Hein. J'aimerais intervenir. Comment on fait pour organiser un marathon? C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, ça fait partie du paysage routier d'avoir ces fameux dos d'âne, ces ralentisseurs. Est-ce que on pourrait pas trouver, parce qu'il faut faire comme le cyclisme. Hein. Le cyclisme ne vient plus en Vaucluse, il n'y a plus le Dauphiné Libéré, a définitivement mis la clé aux oubliés absents pour le Vaucluse, parce qu'il y a trop de dos d'âne, il y a trop de ralentisseurs. Je pense qu'il faut faire pareil. Toutes les grandes villes qui accueillent des compétitions comme toi, ils devraient avoir des circuits roulants, parce qu'on est là pour faire des chronos, il y a des gens qui s'entraînent depuis des lustres. Excuse-moi de te couper. En fait, c'est sur les beaux marathons qui sont pas de la Fédé où on a des super marathons. Il n'y a pas d'ralentisseur. Voilà. Et claque encore une fois. L'an dernier, je sais très bien. Je suis au courant, je sais qu'il y a un problème. Il y a même le problème aussi pour ce championnat de France de 10 km sur piste, où ils ont été mettre ça en pleine saison, alors que les athlètes doivent être plutôt aux autres formes de préparation. J'ai trouvé ça aberrant. Ouais. Bon, bah maintenant, je sais pas, j'ai l'impression que la fédération est à côté. Un peu comme le championnat du monde master que j'ai fait de marathon. Hein, à Lyon. Il y a en 2015, à Lyon. On était à l'hippodrome, mais c'était un cross. Juste, on m'a demandé peut-être à Henri quelque chose à rajouter. Une petite question à vous poser. Vous êtes uniquement spécialiste, vous courez que les marathons ou vous faites d'autres distances plus courtes? Je fais des distances aussi aux interclubs, je fais le 3000 sur piste, je fais... pas mal de 10 km, mais c'est vrai que ma distance, c'est le semi et le marathon. Oui, ok. Et combien de temps à peu près il vous faut au niveau de la récup quand vous enchaînez les marathons? On va dire, si vous en courez un aujourd'hui, il vous faut combien de temps à peu près pour courir Là, cette semaine, donc mon entraîneur, mon Frédéric Reggiani, m'a dit cette semaine, c'est rien du tout. Donc, d'accord. Ça va être étirement. Demain, je fais une cryo pour récupérer beaucoup plus vite. Et puis beaucoup d'eau, boire beaucoup, et puis pour essayer de, voilà, j'aimerais me remettre un peu en entraînement pour me faire un petit deep burn sympa avec les acquis que j'ai et tout, donc voilà, que j'ai pu obtenir sur piste et puis les Maria. Les Oui, on va te laisser. Maria, on prend plaisir. Mais il faudra venir dans les studios parce que bien souvent, on a des gens au téléphone qui sont très charmants pour pouvoir discuter et qui ont une jolie voix phonique. Ça serait très bien de venir dans nos studios. Et des fois, Didier, en plus avec Fred Reggiani, il va nous falloir une émission. Merci à vous, de m'avoir appelé et puis de mettre en avant. Voilà, une petite amatrice. N'empêche qu'il faut s'entraîner et durement pour faire des résultats comme ça. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec le travail, j'ai un boulot qui est très très prenant, la vie de famille, les enfants. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation et de sacrifices. Donc voilà. Mais il faut rester humble. Il y a des gens plus performants, il y a des... Maria, comme je t'ai en direct, je vais te couper parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais je vais te donner aussi un résultat d'un Montilien que tu connais très bien, qui est Cyril Cavallo, qui a couru hier la montée du Col de Vence, où il fait 4e vétéran. Et sur 11 km 8, il fait 21e au scratch, 4e génial, vétéran. Génial. Et quand je vois que Paulo Moya Le Kenyan de Lasco Marguerite ne gagne pas, il ne fait que 7e. Ça veut dire le niveau de la course. Et lui, il fait 21e. Mais il est bon en côte, Cyril. Cyril, il est super bon. Il est passé en 3 vents au premier kilo et il a eu un petit problème, mais il n'est pas loin de son record de l'année dernière. Ouais, c'est génial. Donc, je l'ai eu au téléphone ce matin très tôt. Messieurs, dames, c'est l'heure de se quitter. Vous pourrez continuer en off à discuter avec vous. On se reverra, bon, Maria. Merci pour cet appel. Merci à vous deux. Et félicitations. Et puis, je vous donne rendez-vous samedi soir pour du handball. Roi Henri. Bye bye. Allez, à bientôt. Bonne semaine.